sont des rues, des rois, des vues, des voix, des putains de lois qui appauvrissent nos foies. Tous à la fois, on s'enfuit, on s'enfuit dans nos rêves pour voir les cauchemars d'autrui. Ils ont des rues, des rois, des vues, des voix, des putains de lois qui appauvrissent nos foies. Tous à la fois, on s'enfuit dans nos rêves pour voir les cauchemars d'autrui. Des sourires pas francs, s'accordant avec leur habillement, la facilité à palper des millions habilement. Et pas deux ont à payer leurs ouvriers simplement 6000 francs, en s'initiant gaiement au jeu à chapément. Au pays du champagne, on fête les plus beaux jours au gréement. Extrêmement facilement, les mots se lâchent comme de l'excrément. On évince la province, pourtant comme partout, des pots de vin, des pauvres cons. La France se nourrit de tout, ils ont le beurre et l'argent du beurre. Des chiens gardent en bleu, la haine pour nos frères et sœurs. Les biens qu'ils gardent pour eux, le moral ne remonte pas avec uniquement la pluie. Pourtant la routine s'installe pour moi comme pourtant. Partant je suis maintenant pour être des plus parlants. D'un seul conseil concret apparent, je suis parent. À percevoir toute la joie de vivre, à percevoir. Tu sais où se trouve l'abcès, alors vas-y percevoir. Ils ont des rues, des rois, des vues, des voix, des putains de lois qui appauvrissent nos foies. Tous à la fois, on s'en fait, on s'enfuit dans nos rêves pour voir les cauchemars d'autrui. Ils ont des rues, des rois, des vues, des voix, des putains de lois qui appauvrissent nos foies. Tous à la fois, on s'enfuit dans nos rêves pour voir les cauchemars d'autrui. Ils ont le droit, les lois, la foi, ma foi, celle des rois, la voix qu'on se doit de Képra. Les trois pouvoirs, l'espoir qu'on n'a pas, vu qu'à ce jour ils dirigent nos pas, la part. La thune, l'urne pour l'ornement, l'armement, le mensonge, nos rêves largement épuisés quand. En bas on surprend nos enfants à savoir compter avant de donner leur cœur simplement. Ils ont la prétention de connaître nos besoins, le soin de nous faire croire que le bonheur n'est pas loin. Un point d'honneur à protéger le bon citoyen, à traquer l'exclu dans ces rues comme des chiens. Je maintiens, ils tiennent la violence à portée de main. En aucun cas est la jeunesse à poser que plein. Silence diffusé, le vrai masqué sur TF1. De beaux discours trahis par de pauvres jours gamins. Ils ont des rues, des rois, des vues, des voix, des putains de lois qui appauvrissent nos foies. Tous à la fois, on s'enfuit dans nos rêves pour voir les cauchemars d'autrui. Ils ont des rues, des rois, des vues, des voix, des putains de lois qui appauvrissent nos foies. Tous à la fois, on s'enfuit dans nos rêves pour voir les cauchemars d'autrui. Ils ont des gars qui dépouillent, des flingues, des douilles. Mais nous on a de vrais tempéraments de dingue, des couilles, des coudes serrés, parce qu'y a pas moyen qu'on se fasse serrer. Sérieux et sincère pour accéder en sasquet. Tout pour nos potes, on passe pour la prise de cote. En ouvrant la porte, c'est par ici l'ouverture. C'est sûr qu'on supporte, on est plutôt ouvert et dur. C'est ça les vertus de la verdure, on fait le tour. Tour à tour, on n'a pas le temps d'attendre les plus beaux jours. Un jour, ou peut-être une nuit, finit l'ennui. Ensuite, cet acharnement, aujourd'hui le rap s'ennuie. Ça nous, la réalité entre vous et nous. Entre fous, on joue à vivre mieux, c'est tout. Et c'est beaucoup, ton existence réclame que tu tentes les plus beaux coups. Banquant, content, c'est tentant, tout ce que t'entends qui te rend content, les contrôles, les contrats. Et tandis que les étendues sont trop tendues, y'a que mon disque, pour la ramener, j'y suis pendu. Des rues, des rois, des vues, des voix, des putains de lois qui appauvrissent nos foies. Tous à la fois, on s'enfuit dans nos rêves pour voir les cauchemars d'autrui. Ils ont des rues, des rois, des vues, des voix, des putains de lois qui appauvrissent nos foies. Tous à la fois, on s'enfuit dans nos rêves pour voir les cauchemars d'autrui.